flanc d'une étoile. Puis elle a peint le vent sur les traits d'un visage. D'un geste vermillon, un sourire se dévoile. Une guitare en arpège décrit le quand la première étoile est venue dire bonsoir comme une enfant bien tableau de leurs yeux tout usés. oiseaux de passage.